Radiomatic. Amorcer la transmission 391 d'Audiomatic, les sonoristes ont choisi de vous présenter la musique du groupe allemand Embryo, qui a été fondé en 1969. Nous entendions la pièce Revolution qui est extraite de son premier album intitulé Opal et paru en 1970. Et c'est sur la musique de la formation Dust Owls que se poursuit Audiomatic. Thank you. cette séquence se terminait sur la pièce Who They Wish I Was, composée par le trompettiste américain Christian Scott. La pièce apparaît sur l'album intitulé Christian Atunde Adjoa et il est paru en 2012. Avant cela, nous écoutions la formation Dust Owls avec leur pièce I Forget What I Remembered, tirée de leur nouvel album Who Would You Hold. On recommence. De leur nouvel album Who Would Hold You If the Sky Betrayed Us, publié au début du mois de mars dernier. À Audiomatique, nous poursuivons cette fois avec le groupe anglais King Crimson. des as de träume. Alles ist jetzt. Nochmal. Der Nagel muss raus. Aber alle haben Pause. Ich zähl die Punkte an der Decke. Es sind 61. Das Jahr liegt in den letzten Zügen. Ist im Winter angelangt. Natalis Sol Invicti. Ha. Ein Tiger schleicht sich an. Das neue Jahr. Von wo auch immer. Wo auch immer. Wo auch immer. Stück für Stück wird aufgegeben. Aufgelöst, atomisiert. Nur der eine Punkt, der wehrt sich. Solange noch etwas übrig ist. Was übrig ist, verlangt noch mehr. Bei Null und hellen Nächten. Warten, Manatesta. Die Zeit verlangt nach mir. Was auch immer. Von wo auch immer. Il s'agissait à Audiomatic du groupe anglais The Good, The Bad and The Queen, qui est formé de Damon Albarn, chanteur des groupes Blur et Gorillaz, du bassiste Paul Simonon du groupe The Clash, du guitariste Simon Tong du groupe The Verve et Tony Allen, qui a été le batteur du chanteur nigérien Fela Kuti. De leur premier album homonyme lancé en 2007, nous entendions la chanson The Bunting Song. Tout juste avant, nous avions droit à la collaboration entre l'artiste italien T.O. Tirdo, entre autres membres du groupe Meathead, et l'artiste allemand Blixa Bargeld, bien sûr leader de la formation Anstersinde Neubauten. Ils nous présentaient la chanson Nirgenheim de leur album Nerissimo, sorti en 2016. Et en amorce de séquence, vous avez entendu le groupe anglais King Crimson et la pièce-titre de son septième album Red, paru en 1974. Allons-y maintenant à Audiomatic avec le projet québécois Millimétrique. Audiomatique, cette séquence se terminait sur la musique du projet chilien Alpha Stronga et sa pièce Anti-Pro Ultra se retrouvant sur l'album EP Spiritual Stoner. Avant cela, c'était la formation Depeche Mode et la pièce Poison Heart, offerte ici dans une version alternative retravaillée par Matrix Man et intitulée le Tripped Mix. La composition originale apparaît sur l'album Spirit, qui est en fait le plus récent album réalisé par Depeche Mode en 2017. Et la version remixée que nous avons écoutée de la pièce Poison Heart se retrouve sur un CD bonus venant avec l'édition Deluxe de Spirit et proposant 5 remixes de pièces se retrouvant sur l'album original. Et nous entamions la séquence musicale grâce au projet millimétrique de l'artiste québécois Pascal Asselin de son album Northwest Passage New Era, qui est paru en 2008. Nous entendions la pièce Les artefacts du futur. En conclusion de cette transmission 391 d'Audiomatique, nous avons décidé de vous offrir la musique de la formation allemande Amondul, qui a été fondée en 1968. De son deuxième album Yeti, lancé en 1970, nous entendrons la chanson Eye Shaking King. C'est mercredi prochain dès 17h que les sonoristes entreprendront la diffusion de la transmission 392 d'Audiomatique en direct du studio de C'est Fou 89.1 FM. Il sera bien entendu possible de l'écouter en différé en vous rendant sur nos profils facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique. Voici donc Amondul et la pièce Eye Shaking King. C'était Audiomatique avec les sonoristes.